Je voudrais maintenant vous parler d'une des caractéristiques qui font de l'anglais une langue relativement facile à apprendre. Nous avons vu comment certains mots sont identiques en français et en anglais, ou pratiquement identiques, ainsi que certaines façons de transformer des mots pour en créer de nouveaux. Mais parfois, vous n'aurez même pas besoin d'une quelconque transformation. Nous avons déjà vu le mot « surprise », surprise. Eh bien, le verbe correspondant est tout simplement « to surprise ». C'est exactement le même mot, et il y a beaucoup de mots comme ça pour lesquels le nom et le verbe sont identiques. C'est ce qu'on pourrait appeler l'offre deux en un. Si vous connaissez le nom, vous connaissez le verbe et vice-versa. Alors voyons, vous connaissez sans doute déjà le mot « telephone » pour un téléphone. Alors, quel sera le verbe « téléphoner » ? To telephone. To telephone. On peut aussi dire to phone, P-H-O-N-E, qui est plus court et plus courant. Et de la même manière, au lieu de a telephone pour dire un téléphone, on peut employer le mot plus court. A phone. A phone. Et puisqu'on parle de téléphoner, j'en profite pour vous donner un autre verbe très utile, cet « appeler » qui se dit « to call », C-A-2-L. Il y a deux manières de dire « appeler quelqu'un », « to call somebody » ou « to give somebody a call », littéralement « donner quelqu'un un appel ». Alors, comment direz-vous « je vous appellerai » et essayez de le dire des deux manières. « I will call you. I will give you a call. » Ok, I will, ou sous sa forme contractée, I'll call you, ou give you a call. Et Michel Thomas avait également introduit dans ses méthodes to call back, qui signifie rappeler. Alors si la personne que vous essayez de joindre est une femme, comment direz-vous, voulez-vous lui dire de me rappeler? Et ici, dire est employé dans le sens de communiquer, informer. Donc il vous faudra employer to tell. T-E-2-L. Alors encore une fois, voulez-vous lui dire de me rappeler, c'est-à-dire lui direz-vous de rappeler moi, car en anglais, on va employer will pour faire une demande polie. Alors, voulez-vous lui dire à elle de me rappeler? Will you tell her to call me back? Will you tell her to call me back? Ou call back signifie littéralement appeler de retour. Alors très souvent, le préfixe « re » qui indique la répétition en français, comme dans « revenir »,« rappeler », etc., est rendu par « back ». Bien. Et si vous ne devriez pas se dire « you should not » et « while », W-H-I-L-E, veut dire « pendant que », comment direz-vous « vous ne devriez pas téléphoner pendant que vous êtes en train de conduire » You should not telephone while you are driving. You should not, ou you shouldn't, telephone, ou phone, while you are driving. It's dangerous. C'est dangereux.